Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Voici les grands titres de cette édition. Une conférence de presse du Rassemblement national pour le changement RANAC a été interdite ce mercredi. Le porte-parole de la police dit que ce parti n'avait aucune autorisation. Les habitants des quartiers Ngagara, Bouiza et Djabé de la mairie de Bujumbura se plaignent des coupures répétitives de l'électricité ces derniers jours. À la régie des eaux, l'on tranquillise. La panne à l'origine de ces perturbations est en train d'être réparée. Des chenilles menacent des champs de maïs dans toutes les communes de la province de Bubanza. Même les produits phytosanitaires jusqu'ici utilisés pour les tuer n'ont pas donné de résultats. Et en actualité internationale, la Cour suprême de l'Angola a demandé ce mercredi au président José Eduardo dos Santos de fournir des explications sur la nomination de sa fille à la tête de la Société nationale de pétrole, Sonangol. Voilà pour le sommaire. Amarokira Ezekiel a été retrouvé mort sur la colline Mouweza, non loin de son ménage. Isanganiro, la radio de l'avenir. Vous voudrez bien nous excuser pour ce désagrément technique. Le Rassemblement national pour le changement RANAC n'avait aucune autorisation de tenir ce mercredi une conférence de presse. C'est du moins ce que déclare le porte-parole de la police, Pierre Mourikiye, qui indique que les responsables de ce parti ont envoyé la correspondance signifiant cette activité à qui de droit très tardivement, raison pour laquelle la police a interdit la tenue de la dite conférence de presse. Le porte-parole de la police indique que la loi portant organisation des réunions stipule que cette correspondance doit parvenir à celui qui autorise la tenue de ces réunions publiques 48 heures avant. Aloïse Barichako du RANAC a lui aussi indiqué à la radio Isanganiro que c'est la même réponse qu'il a obtenue au niveau du ministère de l'Intérieur et qu'avec ses collaborateurs, il compte réorganiser cette conférence de presse qui n'a pas eu lieu ce mercredi 26 août 2016. Un corps sans vie a été retrouvé le matin de ce mardi sur la colline Mouweza de la commune Wuhiga de la province Karusi. Ce corps est celui d'un homme de 36 ans du nom de Ezekiel Habarugira. Il aurait été tué dans la nuit de mardi, comme l'indique la police. Sa famille a refusé que l'on leur soit enterré par l'administration avant que l'auteur du crime ne soit connu. La police dit qu'elle a déjà entamé ses enquêtes. Les détails avec notre correspondant Blaise Pascal Kararumi. Habarugira Ezekiel a été retrouvé mort sur la colline Mouweza, non loin de son ménage de la colline Ngorongo, sur la colline Banda, toutes les deux collines étant de la commune Wuhiga, province Karusi. La police indique qu'il a été tué à coups de bâton cette nuit de mardi. Cet homme de 36 ans et père de deux enfants aurait été tué par des gens qui gardaient des champs de culture qui sont dans le marais qui sépare la colline de Mouweza et la colline de Ngorongo. La population de la place signale qu'elle avait pris la décision de garder ces champs suite

Comme l'a annoncé le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, dans un communiqué, ces enfants ont été libérés par le principal groupe rebelle de l'ancien vice-président Riek Machar et par la faction Cobra, un ancien mouvement rebelle. Ces 141 enfants ont été désarmés puis ont reçu des vêtements civils avant de subir des examens médicaux et d'être inscrits dans un programme de réhabilitation. L'UNICEF estime que 16 000 enfants soldats ont été recrutés depuis décembre 2013, début de la guerre civile, qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 2,5 millions de civils et provoqué une grave crise humanitaire dans le pays. Il est 13h10 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.